J'ai dit zone, oh maman, tu m'as dit, oh épidée, je suis blonde et jolie, ta poupée a joyé. J'ai 20 ans, oh maman, tu m'as dit, oh épidée, mais les hommes me regardent, tu as prié, non, non, c'est pas possible. Oh,